Ouais, ça va, c'est ici la boîte à nuit ou quoi? Ouais, c'est là, ouais. On entend les basses dans toute la maison, gars. Ouais? Ouais. Tu kiffes? Je sais pas, c'est pas trop ambiance antidote ça, ça. C'est plus, tu veux faire un gros, ouais, gros single à la radio, c'est ça, non? Ouais, ça va, faut pas déconner, non. C'est pas obligé de se couper les veines tout le temps, quoi. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est bon, quand t'auras fini de chialer, tu reviendras, c'est tout. Non, mais il y a une juste mesure, tu vois. Quoi, donc c'est bon, là on peut déconner, on peut faire un petit freestyle. Vas-y, déconner, super. Tu voudrais faire quoi comme texte? Je sais pas, on a plein de freestyle. Ultramagnétique comme cool, kiff, j'ai le flow qui cool, tu vois celle-là là? Ouais, ah, c'est tout. Ouais, bah on peut toujours tester si ça te fait plaisir, mais. Ouais, vas-y. Attends, ça faisait quoi déjà le mien déjà? J'ai marqué plein des phases, m'éclate grave. Kick le beat, sur le beat. Oui, oui. Et bah c'est bon, non? Qu'est-ce. On essaye, après tu verras. Vas-y, on teste. Tu veux, tu chialeras. Vas-y, balance. Voilà.